Dimanche 4 février, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. À J-1 du 27e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale, l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya précise qu'il y a toujours à faire pour prouver que l'on est attaché à l'unité, dont l'équité devant la loi. Vous le suivrez en début de ce journal. Dans ce journal également, vous suivrez les inquiétudes de certains politiciens quant à l'octroi de la charte, de la carte nationale d'identité qu'ils qualifient de favoritisme aux personnes en âge de voter par certains administrateurs, appel lancé ce vendredi à la CENI qui dit s'y pencher déjà. Le taux de natalité mensuelle en province Bubanza voisine 2500. Le gouverneur de cette province appelle la population à diminuer les naissances pour le bien des familles. Les détails, c'est dans ce journal mis en onde par Erika Dogo. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, page politique. Pour débuter ce journal, l'unité des Burundais a été altérée par la colonisation même après l'indépendance du pays. Le point de vue est de Sylvestre Ntibantunganya, ancien président burundais, ex-membre de la commission chargée de préparer la charte de l'unité nationale. Selon lui, l'unité est une réalité au Burundi. Toutefois, il y a toujours à faire pour prouver que l'on est attaché à l'unité dans l'équité devant la loi. C'est au moment où le Burundi célèbre ce lundi le 27e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Charles Makoto. Quiconque observait ce qui se passait au Burundi ou le vivait à l'époque sentait le besoin effectivement que les Burundais s'asseyent ensemble pour réfléchir sur l'unité des Burundais, l'unité nationale. Parce que cette unité avait été sérieusement altérée par les pratiques coloniales, je n'irai pas dans les détails. Surtout après l'indépendance du pays, le pays avait connu des violences massives qui avaient emporté des citoyens burundais uniquement à cause de leurs appartenances ethniques ou ethnico-politiques. Et cela nécessitait bien sûr qu'on s'attache à retrouver une solution à cette question, notamment après ce qui venait de se passer à Ntega et à Marangara au mois d'août 1988. Quelle est l'analyse que vous avez faite, vous, par rapport à l'unité nationale aujourd'hui? Je dirais que l'unité nationale des Burundais est une réalité. Quand on voit comment, effectivement, les différents groupes ethniques vivent ensemble dans ce pays, on a toujours vu que les crises qui ont été connues dans ce pays et qui ont eu des dimensions ethniques étaient des crises liées beaucoup plus à des comportements des leaders burundais au niveau des partis politiques ou ailleurs, notamment en se disputant le pouvoir, soit pour y accéder, soit pour s'y maintenir. C'est donc une des questions beaucoup plus davantage de leadership et de gouvernance de ce pays. Et pour consolider l'unité des Burundais, l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya précise qu'il faut le respect de la diversité d'opinion et le droit de la personne humaine. Je vous prie de le suivre encore une fois. Il y a quatre facteurs qui doivent être privilégiés pour montrer qu'on donne de l'importance, qu'on a de l'attachement vis-à-vis de la question de l'unité nationale. Premièrement, il faut respecter les droits de la personne humaine. Il ne peut jamais se comprendre qu'un homme, compte tenu de la dimension humaine avec laquelle il a été créé, soit éliminé physiquement à cause de son appartenance ethnique ou même à cause de son appartenance politique. En deuxième lieu, il faut respecter les libertés publiques. Dieu a créé les hommes égaux. Il les a créés avec une capacité de discernement et avec liberté. Et toutes ces libertés doivent être absolument garanties aux Burundais pour qu'ils puissent décider sur l'avenir de leur pays. En troisième lieu, c'est la pratique démocratique pour désigner les représentants ou les responsables des Burundais aux différents échelons de l'organisation du pays. Et ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est que quand on est élu, il faut comprendre qu'on est élu au nom des Burundais pour représenter les Burundais. Quand les Burundais vous élisent, ils mettent entre vos mains la gestion au pays. Il s'impose un devoir de redevabilité vis-à-vis de ceux-là qui vous ont élus. En quatrième lieu, il faut comprendre que la démocratie va au-delà du simple fait d'avoir été élu. Il faut également savoir que la démocratie va d'opérer avec l'unité comme vous en êtes. Ça va d'opérer avec l'impératif de la bonne gouvernance, de la bonne gestion des affaires publiques, du respect et du bien public que les Burundais partagent. Toujours en page politique, la suppression des clauses liées au sénateur à vie des anciens présidents burundais dans la nouvelle constitution est l'un des signes de la non-prise en considération des accords d'Arusha. Analyse faite par certains des politiciens invités dans l'émission Débat Mosaïque de ce samedi, selon le porte-parole du parti Sawanya Frodebu, Fenias Nigaba et honorable Clavier Choitungi de la coalition Amizero ya Barundi, les anciens présidents ont une expertise à apporter. Suivez. Tout ce qu'on voit en ce qui concerne cette révision, c'est pour enterrer l'accord d'Arusha. Je m'explique. Regardez maintenant comment les lois seront votées au niveau de l'Assemblée nationale. 50% plus une voix. Regardez, les anciens chefs d'État ont été rejetés, ne seront plus membres du Sénat. Alors que ces personnalités ont une grande expertise à apporter à la vie nationale. On veut les exclure. Au point 15, au niveau de l'article 6 de l'accord d'Arusha, le protocole est 2, article 6, au point 15, les anciens présidents ont le droit de siéger au Sénat. Ça, dans la nouvelle constitution, on a supprimé tout simplement ce privilège des anciens chefs d'État. Ils vont siéger, mais ils ne vont pas voter. Non, ils ne vont pas siéger au niveau du Sénat. Donc, maintenant, ils n'auront pas le droit de siéger au Sénat. Et le ministère de l'Intérieur ne l'entend pas de cette oreille. Terence Nahiraj, porte-parole, lui aussi invité dans l'émission Mosaïque, explique que la nouvelle constitution ne reconnaît pas les anciens présidents comme sénateurs à vie car ils sont bénéficiaires de doubles avantages. Terence Nahiraj a d'ajouter qu'en plus de leurs absences dans les plénières du Sénat, cette suppression a été l'une des recommandations formulées par la population lors du dialogue interne qui a été conduit par la Commission nationale du dialogue inter-Burundais. Suivez Terence Nahiraj. J'aimerais vraiment dire que les anciens chefs d'État ont été rejetés. Actuellement, il y a une loi qui détermine les avantages des anciens chefs d'État, lesquels ça a été signé par le président Ndayizeye d'ailleurs, et ces avantages sont donnés, et ils trouvent les avantages qui sont égaux aux avantages d'un vice-président de la République. Et sur ces avantages-là, ils étaient payés doublement. Et au niveau du dialogue inter-burundais, tout le monde a dit, voilà, ne voyons pas comment ces gens sont en train d'être payés doublement sur nos impôts que nous payons. Et surtout qu'ils ne siègent pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas siéger sans être payés? Non, ils ne viennent. Écoute, d'abord, j'explique pourquoi ils ont été radiés des membres du Sénat. D'abord, ils ne sont pas élus. Je me souviens dans des provinces, on nous a dit voilà. Au cas où on aura un nombre d'anciens chefs d'État, si payé au nombre de. Les sénateurs, c'est toujours 36. Supposons qu'à un moment donné, les chefs d'État sont supérieurs aux élus du peuple. Et qu'ils veulent saboter le pouvoir, ils ne sont pas élus. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça peut même être changé au cas où la population le réclame. Terence Nahiraj, porte-parole du ministère de l'Intérieur dans l'émission Mosaïque de ce samedi. Une émission dont vous pourrez suivre la rediffusion mercredi à partir de 21h20 sur Isanganiro. Toujours en page politique, les militants de la coalition Amizero ya Barundi demandent la libération de deux de leurs membres emprisonnés et poursuivis pour un enseignement du rejet de la réforme constitutionnelle. Ces membres d'Amizero disent que par endroits, les leaders du parti au pouvoir mobilisent la population pour voter en faveur du nouveau projet de constitution. Et le président de la commission électorale en province, Muyinga, indique n'avoir pas reçu aucune plainte jusqu'aujourd'hui. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana. Charles Bachamugwango, représentant de la coalition Amizero ya Barundi en commune de Gasogwe, et un certain Emmanuel Maniraba sont les deux hommes dont l'emprisonnement suscite des plaintes de la part des membres de leur famille politique. Ils sont sous les verrous depuis des semaines, accusés par les administratifs d'enseigner à la population de voter non lors du prochain référendum sur la réforme de la Constitution. Des tensions injustes aux uns des militants de la coalition Amizero, d'autant plus que du côté du parti au pouvoir, à certains endroits, les leaders enseignent publiquement de voter pour la réforme. L'appareil judiciaire et les administratifs devraient agir en tête de famille qui doit éviter du déploi des mesures, jugent les militants de la coalition Amizero lésés et demandent à la commission électorale indépendante de jouer le médiateur en cas de conflit lié aux élections. Grete Kamaliza, présidente de la commission électorale provinciale indépendante, rappelle que l'ère de la campagne électorale n'a pas encore sonné et d'ajouter qu'à son niveau, aucun conflit n'est connu jusqu'aujourd'hui. Tom Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné. Nzeimana, toujours en page politique, certains politiciens burundais appellent au dirigeant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de sensibiliser les administrateurs communaux pour qu'ils puissent éviter le favoritisme dans l'octroi de la carte nationale d'identité aux personnes en âge de voter. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'une réunion d'échange entre les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante et leurs partenaires. Le vice-président de la CENI tranquillise que cet appel est déjà lancé à l'endroit de ces autorités administratives. Plus de détails avec Évariste Nzikobanyang. Certains des politiciens ont des inquiétudes que leurs sympathisants vont risquer de n'avoir pas les cartes nationales d'identité qui leur permettront de se faire enrôler lors du prochain recensement électoral. Ils disent que lors des processus électoraux de jadis, certains administrateurs ne sensibilisaient pas leurs dirigeants à venir demander la carte nationale d'identité, mais qu'ils mettaient en avant le favoritisme. David Nyonchungu, vice-président du Frote Bunyakuri, demande aux dirigeants de la CENI de sensibiliser les administrateurs à ce sujet. Nous aimerions qu'il y ait collaboration entre la CENI et l'administration pour que la sensibilisation à l'octroi des cartes nationales d'identité soit effective pour nos membres. Vous voyez que cette opération va se dérouler avant le référendum. Nous, les politiciens, nous allons faire des descentes après. Est-ce que la CENI ne peut pas nous aider à sensibiliser l'administration? Chose déjà faite, retorque le vice-président de la CENI, Anosiate Nyonguru, explique que lors de différentes réunions avec ceux-là concernés par l'octroi des cartes nationales d'identité, cet appel a été lancé. Cette dernière trouve très mal un administrateur qui ne facilite pas la tâche à ses dirigeants. Le 16 et le 17 du mois passé, nous étions en réunion avec les DCE et les administrateurs venus de quatre coins du pays. Nous avons interpellé les administrateurs d'aller dire aux dirigeants des instances de base d'informer leurs dirigeants que les bureaux de l'administrateur sont ouverts. C'est dans l'optique de ne plus entendre que l'administrateur favorise les uns pour écarter les autres. Je ne peux pas nier cela, mais il faut que ceux qui le font se ressaisissent. Le vice-président de la CENI a lancé cependant un appel vibrant à ceux-là qui ont participé à cette réunion d'échange d'aller sensibiliser tout citoyen en âge de voter d'aller demander la carte nationale d'identité. À 13h08 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons à présent finances publiques. Plus de 700 marchés publics ouverts ont été passés durant l'année 2017 sur plus de 800 dossiers. Les précisions sont du ministre des Finances en marge de la présentation des réalisations de son ministère ce vendredi. Le ministre Ndiho Kubgayo a en outre indiqué que le nouveau code des marchés publics étudié en Conseil des ministres et au Parlement a déjà été promulgué. Suivez-le, traduit en français par Edine Ibel Nibigira. Il y a 830 marchés publics qui ont été offerts, dont 435 relatifs au matériel d'équipement et de bureaux. Il y a également d'autres marchés concernant les travaux des vrais projets de développement et environ 328 ont été attribués, ainsi que des marchés gérés au niveau des services que nous demandons une collaboration. Vous saurez que parmi ces marchés figurent 780, soit plus de 90% qui étaient des marchés ouverts. Et le ministre Ndiho Kubgayo souligne que ce nouveau code présente des avantages, dont la diminution des délais de passation des marchés publics. Suivez-le encore une fois. Au fur et à mesure que les jours avancent, les lois sont révisées pour être actualisées. Quand la loi régissant les marchés publics a été mise en place en 2008, il y a ce qu'elle n'a pas mentionné, qui devrait être régi par le code des marchés publics aujourd'hui. Je vous donne l'exemple des marchés publics dans les communes. Si nous voulons que le développement soit décentralisé dans les communes et que les communes reçoivent des fonds, il faut que la loi soit modifiée pour la bonne gestion des fonds au niveau communal, ce qui n'était pas le cas en 2008. Il n'y avait pas de loi régissant les compétences des communes. Vous comprendrez que ces lois sont complémentaires et sont renouvelées. Il y a des marchés à long terme que nous aimerions voir l'échéance réduite pour que les activités soient accomplies dans un court délai. Comme ça, les fonds récupérés seront affectés au développement. Dans l'ancienne loi, on ne parle nulle part des sanctions relatives à la corruption, mais la nouvelle les prévoit. En page société, la province Bubanza connaît actuellement une pression démographique inquiétante selon les responsables administratifs qui affirment que le taux de natalité mensuel arrive à 2500 enfants. Le gouverneur de cette province appelle la population à diminuer les naissances pour le bien des familles. Les détails avec Spes Caritas Kabanyana. Jacqueline Niyokwizera est une jeune femme de 28 ans habitant à Moussegni en commune Manda. Elle a 9 enfants et 2 seulement ont pu être scolarisés comme elle le dit. Cette femme regrette d'avoir mis au monde autant d'enfants puisqu'il mène déjà une vie difficile et précise que cette famille n'a même pas de repin de terre pour assurer la survie de ses enfants. Le gouverneur de la province de Bubanza indique qu'actuellement cette province connaît une croissance galopante de la population jusqu'à 2500 enfants par mois, alors que c'était 500 enfants par mois en 2015. Nous avons toujours affaire à la population et nous recevons des rapports hebdomadaires et même mensuels. Nous avions remarqué qu'il y avait une montée galopante de la population et surtout les naissances. Et dans les années de 2015, nous enregistrions à peu près 500 naissances par mois. Mais aujourd'hui, en 2018, nous enregistrons à peu près 2500 enfants par mois. Vous comprenez que nous avons passé du simple fois 5. Donc, c'est beaucoup dans 3 ans. Et aussi, si vous vous approchez de l'Istebou, dans ces statistiques, l'Istebou aussi confirme que la province de Bubanza vient en tête sur une démographie galopante. Tarsis Niyongabo donne quelques causes de cette croissance démographique galopante. La culture du riz demande beaucoup plus de main-d'œuvre et d'énergie. La main-d'œuvre des provinces frontalières préfère venir travailler ici à Bubanza, dans la plaine de Limbo, pour trouver des survies. S'ils voient qu'ils ont reçu de l'argent, ils ne préfèrent pas retourner chez eux, mais ils achètent une parcelle, ils construisent une maison et ils se marient. Voilà donc l'un des motifs qu'il y ait beaucoup plus de naissances dans notre province. Il appelle la population à approcher les centres de santé et autres établissements sanitaires afin de bénéficier des conseils pour la diminution des naissances. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Toujours à l'ouest du Burundi, en province Chibitoke, plus de 100 maisons ont été détruites par une pluie torrentielle qui est tombée pendant ces 2 derniers jours. Sur les collines Muyange, Butaramuka et Rugajo de la commune Mugina de cette province de Chibitoke, la population de ces 3 collines indiquait d'or à belle étoile et que leurs champs ont été détruits. Jovite Bayavuga, administrateur de Mugina, lance un appel à toute âme charitable de venir en aide à cette population dans le besoin, rappelant qu'à moins de 3 semaines, 400 autres maisons avaient été détruites par une pluie. Pareil, cette fois-ci, page agriculture en province Bururi au sud du Burundi. Certains agri-éleveurs enseignants au lycée Bururi dénoncent la politique de 2 poids, 2 mesures dans la mise en application de la décision ministérielle interdisant toute exploitation agropastorale dans les établissements scolaires à régime d'internat. Le directeur provincial de l'enseignement dans la province Bururi s'est dit à cette fin, dit qu'une décision sera prise la semaine prochaine, sans exception aucune. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans une correspondance de ce 28 janvier dernier adressée au directeur provincial de l'enseignement à Bururi, ces enseignants agri-éleveurs au lycée Bururi disent qu'ils sont pour la mesure ministérielle de ce 12 janvier dernier, leur communiqué le 24 janvier dernier, une mesure interdisant toute exploitation agro-pastorale d'un terrain de l'école par un particulier. Mais, disent ces enseignants, c'est une mesure difficilement applicable dans un si court délai, vu le temps et les moyens financiers et matériels que cela demande, raison pour laquelle ils avaient demandé la prolongation du délai dans cette lettre et une autre écrite au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le même jour. Entre-temps, le directeur du lycée Bururi a sorti une note de service ce 1er février courant, interdisant toute activité agro-pastorale dans le domaine scolaire, y compris même le sarclage. Et selon cette note, tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires, judiciaires, jusqu'à l'expulsion du quartier enseignant. Les enseignants contestataires dénoncent ces intimidations et menaces qui semblent viser les uns plus que les autres et demandent d'être protégés ainsi que leurs biens. Firmé Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, dit qu'en compagnie du comité de gestion de l'école, de la direction et des enseignants concernés, la mesure du ministre ayant l'éducation dans ses attributions sera appliquée sans distinction aucune, pas plus tard que ce mardi prochain. Jean-Pierre Misago de Fururi, Radio Isanganiro. Terminons cette édition par cette actualité en brève. Certains couples qui n'avaient pas encore régularisé leurs unions libres dans la commune Kabezi de la province de Bujumbura disent devoir payer une amende de 20 000 francs burundais quand ils vont se faire enregistrer à l'état civil. Ce montant apparaît sur les reçus qui leur sont donnés avec un cachet du ministère de l'Intérieur. Ces couples disent être étonnés de payer cette amende alors que le délai donné par le président de la République pour régulariser les unions libres a été prolongé de 3 mois. Ces couples demandent que cet argent leur soit restitué. Voilà, à 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Elie Kadogo qui a assuré la mise en onde. Une excellente journée dominicale. Au revoir.